de comment on apprend leur droit aux gens. Je sais pas, mais je laisse dès à présent la parole à Evelyne. Parce qu'en fait, c'est un peu le même sujet. Vous avez des gens qui connaissent leurs droits, ou alors qui n'ont pas besoin de les exercer parce qu'ils sont blindés de thunes, ils ont une famille riche, leur arrive pas trop de problèmes, quoi. Vous avez des tas de gens en France qui ne connaissent pas leurs droits parce qu'on leur a pas appris à l'école, justement, c'est important. Ou alors on leur a pas appris ailleurs que dans l'école. Et donc je vais vous parler de trois façons par lesquelles les associations dans lesquelles je suis, on apprend leurs droits aux gens, on leur apprend à les exercer. Et je vais prendre trois exemples où les gens connaissent pas bien leurs droits. Du coup, ils se laissent refuser parce qu'ils les connaissent pas. Ces trois endroits, c'est le travail. Ben moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis faite harceler, ou enfin bon, j'avais même pas le droit de lire Le Monde alors que j'étais dans un service d'études. Mon patron rentrait brutalement dans mon bureau, il m'interrompait. Je croyais que c'était normal. C'était mon premier boulot. Bon, je me disais, ben, ça doit être ça le travail. En fait, c'est important, vu ce qu'est devenu le travail, où pratiquement tous les gens que je connais, jeunes ou vieux, souffrent. Se voient refuser des droits fondamentaux, sont harcelés, sont mis au placard, sont licenciés, sont mis à pied, ça c'est pas mal aussi. Vous distribuez des tracts pour une grève, vous êtes mis à pied, sans salaire pendant un mois ou deux, licenciés. Par exemple, pour faute grave, parce que vous avez juste écrit une lettre à votre directeur, à IBM, pour lui demander pourquoi les logiciels changent tous les 4 matins, rendent les gens complètement fous, incompétents, pour les pousser vers la sortie, rendre fous, de leur dire qu'ils ne savent plus faire leur boulot par des changements incessants de logiciels. Et bien la copine qui a osé écrire au directeur d'IBM ce qu'elle avait le droit de faire, pour lui dire pourquoi vous nous changez les logiciels tout le temps, ça nous rend fous. Elle a été mise à pied aussitôt, elle pouvait bureau pour prendre ses affaires. Son badge marchait plus, privé de salaire, licencié après, vous savez pour quel motif? Faute grave, abus de liberté d'expression. Elle avait le droit d'écrire à son directeur. Elle a attendu 2 ans, au prud'homme, elle a été reconnue, licenciée. Ben, elle n'aurait pas dû être licenciée, ben, ils ont fait appel IBM, hein. Ils ont que ça à faire, ils ont du fric. Alors, premier lieu où il faut... Ouais. Non, t'as raison. Donc, le premier endroit où il faut apprendre ses droits et à les exercer, c'est le travail. Prendre une note, un deuxième exemple, ça sera les banlieues. Moi, j'habite une banlieue. J'habite Champigny-sur-Marne, 80 000 habitants, 4 zones urbaines sensibles. J'aime bien ces zones parce que je dis que là, les gens ont du cœur, ils sont sensibles. Alors là, il y a bien au moins 40 000 qui sont massivement au chômage. Les jeunes, c'est plus de 50% de chômage dans les zones urbaines sensibles. Les quartiers défavorisés, comme on les appelle. Eh bien, ils ne connaissent pas leurs droits. La BAC débarque, elle les humilie en public, elle les humilie, elle les traite comme des chiens, elle les appelle bamboula, elle les tutoie, elle les rudoie, puis elle les viole. Ah ben ça, ils prennent leurs pieds, hein, violant un homme à quatre gendarmes, si je ne me trompe pas. Il y avait du sang partout. Ah, il paraît qu'il s'est violé tout. Bon, alors ça, c'est intolérable. Le récépissé, ça fait des années qu'on le demande. C'est facile. Un flic, une fois qu'il vous a contrôlé, il sait qui vous êtes, il vous donne un reçu, il n'a pas à vous contrôler 36 fois la même journée. Parce que les gens qui se sont jamais été contrôlés de leur vie. Moi, quand je suis dans le métro et quand je vois qu'on contrôle que des bronzés, vous savez ce que je fais, moi? Bah, regardez, je sors ma carte Navigo, là. Je saute sur les contrôleurs devant tout le monde en criant très fort. Je dis, moi, vous me contrôlez pas parce que je suis blanche, alors vous contrôlez tout le monde ou personne, ok? Le contrôle au faciès, c'est interdit. Et je ramène les gens. Du coup, je suis entourée de 50 personnes. Alors, ils veulent m'emmener en garde à vue, mais ils sont pas encore arrivés. Parce que c'est interdit. Alors, je vais parler des banlieues, ça sera le deuxième sujet. Comment on apprend aux jeunes de nos quartiers qui sont nos mômes? Faut pas oublier que ce sont nos mômes. Leurs parents ont construit la France, leurs grands-parents ont libéré le territoire français des Allemands. Ah ouais, on l'oublie, 150 000 tirailleurs sénégalais, goumiers. C'est bizarre, les Français, ils ont la mémoire courte. C'est eux qui ont libéré la France, c'est pas les Américains, hein, d'accord? Alors quand je vois traiter nos mômes comme ça, parce qu'il s'appelle Mohamed Mamadou, bronzé un peu plus que bleu, pas trop, purement blanc là. Eh ben, je supporte pas. Donc, il faut qu'ils connaissent leurs droits. Et quand la police, la BAC, que j'appelle la brigade absolument criminelle, c'est pas une brigade anticriminalité, la BAC, c'est une brigade qui se croit aux colonies, qui a été formée pour traiter nos membres comme des chiens, comme des chiens, moins bien que des chiens, parce que les chiens, à la limite, on les viole pas. Cette BAC, elle a rien à faire dans nos quartiers. On peut avoir la paix, on peut avoir une, peut-être des policiers qui connaissent les gens, qui les respectent, ou alors on peut créer nos milices citoyennes, on peut s'organiser entre grands frères, mamans, associations, et dire à la BAC, écoutez, l'ordre, ouais, ouais, l'ordre, on va le faire régner, on n'a pas besoin. Alors, il faut qu'ils apprennent leurs droits, je vais vous expliquer comment je fais. Troisième exemple, ça sera, j'ai parlé donc des salariés, des précaires, des au chômage, même des gens au chômage. Il faut savoir qu'à peu près 10 à 15 millions de gens sont au chômage en France, mais on ne compte que ceux qui n'ont jamais travaillé dans le mois. Donc on nous dit que tout va bien, quoi. Il n'y en a pas trop, en fait il y en a énormément. Et le troisième exemple, c'est les Roms. Les Roms que vous voyez sur la place là, de la République. Est-ce que vous savez au moins que les Roms, qui sont roumains, la Roumanie, Monsieur Sarkozy l'a fait rentrer, je crois que c'était Sarkozy, oui, en 2007, il l'a fait rentrer dans l'Europe avec la Roumanie et la Bulgarie. Vous savez pourquoi? Pour envoyer nos usines là-bas, d'accord? Parce que là-bas, les salaires, n'est-ce pas? Nos usines sont parties en Roumanie, en Bulgarie. Mais Monsieur Sarkozy n'avait pas envie que les Roumains et les Bulgares viennent travailler ici. Quand on a fait ça pour le Portugal, pendant un an à peu près, les Portugais n'avaient pas le droit de travailler en France pour pas inonder le marché du travail. Ça a duré pour les Roumains et les Bulgares 2007-2014. Monsieur Hollande a fait pareil. Aussi bien Sarkozy que Hollande disaient au préfet de ne jamais donner un titre de séjour à un Roumain ou un Bulgare Rome. Donc ils n'avaient pas le droit de travailler, mais ça personne ne sait. Donc on les voyait fouiller les poubelles ou faire la manche, on disait « Oh là là, c'est pas bien ». Ouais, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Et c'est la Commission européenne, pour une fois, qui a fait quelque chose de bien. Elle a forcé Monsieur Hollande à travailler sans titre de séjour. Donc moi, le 1er janvier 2014, quand ils ont enfin eu le droit de travailler, j'en ai inscrit 50 au Pôle emploi de Champigny en leur donnant mon adresse. Oui, ils n'habitent pas chez moi, et alors j'ai le droit de leur donner une adresse. Sans adresse, ils n'ont aucun droit. Donc moi, à défendre et accompagner les Roms dans leur démarche, j'ai bien dû en accompagner une bonne centaine en 6 ans. Ben, la plupart, ils travaillent. Ils voulaient tous mettre leurs enfants à l'école. Quand je leur ai appris leurs droits, j'ai dû les chercher, leurs droits, bien sûr, qui étaient refusés par les préfets, qui étaient refusés par les maires, Martine Aubry, hein, qui étaient refusés partout, que je les ai aidés à faire des référés contre le préfet de Paris qu'ils ont gagné pour pas être jetés à la rue avec des enfants handicapés ou sourds-muets et pour avoir un hébergement. Ben, ils ont trouvé du travail comme tout le monde. À partir du moment où on les inscrit en insertion pour l'activité économique, bien sûr que Pôle emploi ne leur en trouve pas puisqu'ils ne parlent pas bien français. Ils sont restés entre eux puisqu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Et pour apprendre le français, il faut attendre un an et demi une place. Donc je vais vous donner ces trois cas. Le premier, les chômeurs, les salariés. Quels sont nos droits? Au travail ou sans travail? Vous savez très bien qu'il y a des associations de chômeurs. Il y a eu un mouvement de chômeurs important dont j'ai fait partie en 1994 qui après a occupé les... Il n'y avait pas... Il y avait les ANPE, c'était un service public. Puis il y avait les UNEDIC qui payaient les allocations. Ils ont envahi, occupé tout ça pendant un mois ou deux sous Jospin. Ça marchait bien. Jospin a lâché des miettes. Alors les miettes, c'était la prime de 900 euros. Et puis des comités locaux, je sais pas quoi, là, du bidon où on parlait un peu. On pouvait pas fixer l'ordre du jour. Bon, je veux dire que maintenant, ils ont fusionné le service public de l'emploi qui n'existe presque avec des trucs privés, des trucs de boîte conseil, avec des trucs de plus en plus. Pôle emploi, c'est plus Pôle emploi, c'est une sorte d'agence aux mains du patronat, aux mains du MEDEF, avec le concours de la CFDT, qui dit qu'elle est un syndicat. Hein. Et comment on apprend leurs droits aux chômeurs? Il y a les associations d'aide aux chômeurs, il y a la coordination des intermittents et précaires. C'est bête, j'avais toutes les adresses, j'ai oublié de les apporter. Il y a une permanence le lundi, à partir de 4 heures, rue d'Aligre. Vous savez, ça s'appelle Aligre. au coin de la rue de Charenton et la rue d'Aligre. Là, vous avez un... Hein? Voilà, vous avez une permanence pour les précaires et les chômeurs. Vous avez les associations de chômeurs, dont Bob est un exemple. Non, la CGT. La CGT est très active. Mais oui, mais je parle de toi parce que tu es dans le syndicat. Il y a un syndicat CGT qui défend remarquablement les chômeurs. Il y a ma vieille association qui s'appelle Agir Ensemble contre le chômage, qui fait une permanence à la Bourse du Travail le lundi à 5h, 4h, 5h. Puis il y a aussi le MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, et l'APES. L'APES, c'est Association pour l'Entraide et la Solidarité. Donc vous avez des associations pour les chômeurs. Mais figurez-vous qu'en 2001, pas mal de McDo et de Pizza Hut qui se sont mis en grève avec des jeunes. Alors certes, ils avaient des CDI, mais ils avaient très peu... Bon, ils étaient des fois étudiants, des fois pas, et ils travaillaient chez McDo, chez Pizza Hut. Ils n'étaient pas payés pour toutes les heures qu'ils faisaient, il y avait du trafic des patrons. Donc ils ont déclenché des grèves, et moi j'ai été les soutenir parce que j'adore aller là où ça lutte, là où les gens sont en grève. Et on a décidé de monter un réseau qui existe toujours, qui est très vivant, pour lequel je vous ai donné les programmes de cours de droit du travail, qui s'appelle le réseau Stop Précarité. Alors, il y a... On a créé le réseau en 2001 pour dénoncer la montée de la précarité dans le travail. Malheureusement, elle a continué à se développer. Elle a pris toutes les formes qu'on veut. On est passé au CDD, on est passé au stage, on est passé au contrat, vous savez, les contrats... Ouais. Et puis maintenant, il y a les Uber. Il paraît que c'est chouette d'être ubérisé. On s'auto-exploite, on n'a pas droit au chômage, on n'a pas droit à la retraite. Oh, c'est génial, hein. On est exploité à mort, mais il paraît qu'on est libre. Et puis, il y a les gens à se créer en auto-entrepreneurs, mais qui sont en réalité des salariés. Ils sont aux ordres du patron, mais simplement, on les a obligés à se déclarer auto-entrepreneurs, donc ils payent plein de charges. Ils n'ont pas droit au chômage. Donc, ce réseau Stop Précarité, figurez-vous que des syndicalistes, une syndicaliste d'ailleurs à l'époque de Sud, mais peu importe, hein, les étiquettes, il y a des syndicalistes bien partout, et il y a des syndicalistes pas bien, malheureusement, un peu partout. Donc, il y a une syndicaliste qui nous a proposé, comme elle était inspectrice du travail, de donner des tuis tous les premiers lundis du mois sur un thème donné pour apprendre aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail de ne pas se laisser rouler dans la farine, de connaître leurs droits. Ces cours, figurez-vous que depuis 2004, c'est moi qui les organise, mais je ne les donne pas, moi je ne suis pas juriste du travail, donnés par un collectif d'une quinzaine, presque une vingtaine, de syndicalistes Sud, CNT, CGT. On est ouvert à tous les syndicalistes qui luttent. Ils nous donnent ces cours gratuitement pendant 2 heures, tous les premiers d'un lundi du mois. Alors ça va être le deuxième lundi si c'est chaque fois sur un thème donné. Comment lire son bulletin de paye? Quelle durée du travail? Quand est-ce qu'on a droit aux heures supplémentaires? Alors plus beaucoup, hein. Merci Macron et merci les précédents là. El Khomri, elle s'appelait, je crois. La connerie, non, pardon, elle avec ses beaux petits cheveux là. La loi qui n'a pas été votée, la loi travail qui n'a jamais été votée, j'adore. Donc voilà, alors on apprend aux jeunes, ou aux pas jeunes, hein, on s'en fout, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'inscription préalable. Qu'est-ce que vous faites en cas d'accident du travail? Qu'est-ce que vous faites si on vous fait faire des heures supplémentaires pas payées? Qu'est-ce qu'on vous fait quand on vous refuse les congés payés? Si vous avez vraiment un problème et que vous voulez saisir les prud'hommes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, manque de peau, M. Macron, à moitié déjà, par une loi de 2015, quand il était ministre de l'économie, les prud'hommes, ça ne marche plus. Les prud'hommes, ça ne marche plus. Les statistiques sont sorties. La moitié des gens qui saisissent les prud'hommes se font bouler parce que c'est devenu tellement compliqué, les prud'hommes, qui donnaient souvent raison aux gens quand même, que la moitié des gens se font jeter parce que maintenant ça coûte très cher, faut prendre un avocat, c'est hyper compliqué, si on oublie une virgule dans le premier truc, on est foutu. Donc il y a un cours sur aussi l'inspection, comment saisir un inspecteur du travail quand vous êtes harcelé, quand on vous fait faire un boulot dangereux. Quand on veut faire un boulot dangereux, vous savez que vous avez le droit de retrait, le droit d'alerte. Dans les ordonnances que veut prendre M. Macron, ça sera supprimé. Vous entendez bien, ça sera supprimé. La loi El Khomri, la petite mignonne là, avec ses petits cheveux là. J'ai surtout contre la connerie. La petite El Khomri, dans sa loi qui n'a pas été votée, elle a déjà dit qu'il n'y avait plus besoin d'avoir une visite annuelle de la médecine du travail. Bon, ben, la santé, hein, c'est pas le problème du patron, hein, d'accord? Alors, c'est court, c'est un bon exemple. Tant que les gens rentrent au boulot et croient, ben, ils se disent, ben, ça doit être ça le boulot, ben, dis donc, c'est pas marrant, mais j'ai pas le choix, quoi, ça doit être ça. Il faut qu'ils sachent qu'on a de moins en moins qu'il y a encore des droits de salariés ou de chômeurs. On est en train de tous les supprimer. On va tous se battre dès lundi à 18h, place de la Concorde, puisqu'on nous a refusé l'Assemblée nationale, contre M. Macron et contre ses ordonnances. On ne va pas attendre la rentrée. Hein. Il veut les passer pendant les... J'ai perdu ma fille. Est-ce qu'on fait une annonce ? S'il vous plaît, je cherche ma fille. Elle est petite. Elle a 2 ans et demi. Elle s'appelle Asma. Elle est là. Ah, d'accord. Ouf. Bon, tant mieux. Alors, voyez, ça, c'est un premier exemple. On donne des cours... à tout le monde, vient qui veut. Oui, ils l'ont retrouvé. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit. On ne demande pas d'adhérer à tel ou tel syndicat. On travaille avec les syndicats, avec les associations. C'était le premier exemple. Qu'on connaît ses droits. Je ne dis pas que tout est gagné. Je ne dis pas que tout est gagné. Mais au moins, on les connaît. On peut essayer de s'appuyer sur les collègues. Même si le jeu du patron maintenant, c'est de rendre tous les collègues concurrents entre eux. Et après, on peut essayer d'exercer ses droits. On peut être prud'homme en se faisant aider par des conseillers syndicaux, même si c'est devenu très difficile, saisir l'inspection du travail dont on est en train de supprimer beaucoup d'effectifs depuis 3 ans, parce que maintenant, on crée des chefs au-dessus des inspecteurs du travail qui les empêchent d'aller rendre visite à une ancelle. Bon, je vais prendre le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est les jeunes de banlieue. Les jeunes de banlieue... Il y a donc quelque chose qui est très bien, que vous trouvez sur Internet gratuitement. Ça, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est très bien. 4 pages seulement, recto verso. Le kit de survie face à la police et à la justice. Alors, j'en ai plus qu'un là, je vais le faire circuler. C'est 4 pages. Qu'est-ce que vous faites quand la police vous... Qu'est-ce que vous faites quand la police vous brutalise? Qu'est-ce que vous faites quand la police vous emmène en garde à vue? Qu'est-ce que vous faites quand vous passez en, comment ça s'appelle, là, au tribunal, tu sais, en comparution immédiate? Tout est marqué. Moi, je le donne dans ma banlieue. Ils se l'arrachent. Et je leur dis, si on ne respecte pas vos droits, vous êtes des citoyens comme tout le monde, si on ne respecte pas vos droits, vous nous saisissez, nous, associations, parents, tout ce que vous voulez, et on porte, on ne doit pas laisser faire n'importe quoi par la police. La police est là pour appliquer la loi. Elle n'est pas là pour la violer. Elle n'est pas au-dessus de la loi. À partir du moment où on connaît ses droits, qui n'arrête pas de reculer, puisqu'il y a l'état d'urgence permanent, il y a tout ce que... Maintenant, on ne peut plus aller en manif, on est assigné à résidence, enfin bon. N'empêche que c'est toujours bon de connaître les droits qui vous restent. Et je leur donne aussi aux jeunes autre chose, toujours sur Internet, gratuit. Ça fait 17 pages, ça s'appelle le code de déontologie. Police et de la gendarmerie. Alors avant, il y en avait 2 différents, puis alors on ne leur apprend pas, hein, aux flics. La plupart du temps, ils ne le connaissent pas. Maintenant, il y a un seul code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie que vous trouvez sur Internet. Il fait 17 pages, mais c'est les 4 premières pages les plus intéressantes. L'article 434.6 explique que le policier ou le gendarme doivent respecter l'unité de la personne, son intégrité physique. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas lui massacrer la gueule ou lui en rentrer leur arme dans le violet. Ils doivent encore moins lui tirer dessus. Et liberté publique, mais manque de peau, Valls a fait sortir ce code de déontologie le 1er janvier 2014, et il a enlevé la plupart des garanties qu'il y avait dans ce code, mais il en reste encore. Alors, à partir du moment où les jeunes de banlieue connaissent leurs droits, savent qu'il y a des associations, des mamans, des grands frères derrière eux, qui sont prêts, des élus parfois, qui sont prêts à les aider quand on viole leurs droits, donc je fais circuler, et ben ça les encourage à ne pas se laisser faire, à porter plainte, à se défendre, et vivre un petit peu, peut-être, espérons, peut-être un petit peu à nos chers policiers. Troisième exemple, c'est les robes, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je ne suis pas pour aider les gens par charité. Oui, en fait, vous, les Roms, moi, c'est une catégorie de population que j'intègre parfaitement en France. J'espère vous aussi, et vous aussi qui m'écoutent. En fait, voilà, moi aussi, je suis issu de parents d'immigrés africains. Ça se voit à travers mon teint, non, n'est-ce pas? Et franchement, en France, on a la grande richesse de toutes sortes de populations différentes. Ah, seulement si ils respectent la loi française. Qu'ils apprennent le français aussi. Il faut que la loi soit respectée à leur égard. Ils ne sont pas obligés de parler français. Ça n'existe pas dans la Constitution. Par contre, ils sont obligés de respecter. La loi doit être respectée à leur égard. Tous les Roms que j'ai aidés, systématiquement, les préfets, les élus, hein, je dis bien des maires, les administrations leur refusaient systématiquement leurs droits. Donc ça, ça passe pas. Je vais faire circuler deux autres dossiers. Moi, j'ai écrit en 2013 un guide des droits des Roms, même en 2011, où je leur apprends tous leurs droits. Ils ont le droit au travail depuis 2014 seulement. Avant, ils étaient interdits de travail. Ils ont le droit au logement, à l'hébergement, à la scolarisation, même sinon. Moi, je leur donne une adresse chez moi. Et comme ça, ça leur ouvre des droits. Donc, ils ont des droits de vote au bout de quelques années aux municipales et aux européennes. J'en ai fait voter dans ma commune. La droite a fait un recours contre moi. Elle l'a perdu. Donc, c'est juste pour vous dire... Il y a des brochures géniales, le justice, expulsion de terrain, pas sans titre, sans titre mais pas sans droit. Oui, on n'a pas le droit de jeter des familles, des enfants, comme des chiens dans les fossés, alors que les terrains publics qu'ils occupent pendant 10 ans sont libres et ils pourraient payer des beaux prix. Oui, mais ce que je ne suis pas d'accord avec vous, madame, en fait, quand ils arrivent en France, on leur attribue des logements qu'ils n'acceptent pas forcément. Non, parce qu'ils préfèrent vivre en caravane dans des... N'importe quoi. Mais laissez-moi parler, madame. Je vais parler. En même temps, faut pas dire n'importe quoi. Non, je dis pas totalement n'importe quoi. Non, parce qu'ils arrivent dans les terrains vierges, dans les campagnes, en fait. Ils préfèrent vivre dans les caravanes avec des installations sauvages. Mais par rapport au logement qu'on leur accorde, ça leur convient pas. Donc, bah, je vous laisse la parole, madame, vu qu'il n'y a pas de... Non. Oui, en fait, voilà, en fait, faudrait leur laisser vivre comme ils le souhaitent. Leur mode de tradition, ans, les mariages comme ils veulent, dans les caravanes. Faut pas que ça heurte les civilisations nouvelles prétendues européennes. Faut les laisser vivre. C'est l'Europe, c'est Angela Merkel, François Hollande, voilà. Et Moulkol qui est mort il y a pas longtemps avec François-André Lamain. Vous vous rappelez de ça? Donc l'Europe s'est ouverte à tout le monde. Ok, bah, si tu veux répondre du coup. Non, j'ai mal réagi, veuillez m'excuser, j'ai mal réagi. Disons que je suis d'accord sur l'essentiel. Je suis d'accord sur l'essentiel. Nous avons besoin, nous sommes des êtres humains. Les êtres humains ont toujours migré toute leur vie. C'est des États qui ont créé des frontières. D'accord avec vous, c'est des citoyens, bon. La petite nuance que j'apporterai, j'en ai jamais vu un à qui on donne un logement. Il faut se battre comme des chiens. On les expulse tout le temps. Moi, j'essaye de les aider, mais ils cèdent eux-mêmes quand ils connaissent leurs droits et commencent à les aider. Je voulais en venir. Il ne faut jamais aider les gens à leur place. On leur apprend leurs droits. Et après, quand un préfet et un directeur des routes expulsent 8 familles qui m'avaient demandé de scolariser leurs enfants à Champigny, qui n'habitaient pas, mais dit qu'ils habitaient chez moi pour qu'ils aient le droit de scolariser leurs enfants, qui avaient été vaccinés gratuitement par le centre municipal de santé de Champigny, ville communiste, qui avaient été soignés par les PMI de Champigny, il n'en existe plus dans les communes de droite à côté. Ils étaient inscrits en mars 2013. Je suis partie au Forum social mondial de Tunis, merveilleux voyage, quand je suis revenue, alors que j'avais écrit au préfet de Paris, puisqu'ils étaient en limite de voie de Vincennes, mais tout près du RER de Joinville. J'avais écrit, ils étaient sur une bretelle désaffectée de l'autoroute qui est toujours désaffectée, qui sort près du RER de Joinville. J'avais écrit au préfet et au propriétaire des terrains, directeur des routes, donnez-nous jusqu'à fin juin. Les enfants vont rentrer à l'école, ils s'en foutent. J'ai retrouvé ces familles sur un terrain jonché d'immondices, au carrefour de 3 autoroutes, terrain qui allait être expulsé. Ils étaient hébergés par la sœur de la maman dans une cabane grande comme ça, avec 2 de 5 enfants, l'autre de 4 enfants. Donc je leur ai présenté une avocate très bien d'ailleurs de Bobigny. Elle a fait un référé. Le préfet de Paris a été condamné. J'ai cru que c'était réglé. Il a été condamné à leur trouver un hébergement provisoire par le Sturé, hein, complètement saturé. Et je vous dirai pourquoi. Parce que le 115 paye très cher des hôtels parfois luxueux, parfois dégueulasses, au lieu d'essayer de permettre à ces gens-là de travailler comme tout le monde et de payer un loyer, un logement social. Et donc, quand j'ai cru que c'était réglé, le préfet avait été condamné, le préfet de Paris, à leur trouver un hébergement. Et bien, 15 jours après, avec leurs 5 mômes, dont un enfant handicapé, ils étaient toujours sur le bord du chemin, logés dans un hôtel pourri, juste dans une chambre, ils se marchaient dessus, ils ne pouvaient pas rentrer leurs valises. Après, logés miraculeusement dans un hôtel de luxe en juillet-août 2013. Donc moi, je fais des démarches pour scolariser les enfants avec eux, là où ils étaient logés, au nord de Paris, vers Enghien-les-Bains. La mairie s'oppose, je m'apprête à ce qu'on fasse un procès à la mère parce qu'elle n'a pas le droit de refuser l'école, même sans adresse. Et par miracle, ils arrivent dans un hôtel, pas trop mal, au Plessis-Trévise. Et depuis, la mapa, il a un ulcère, il se fait soigner, il va travailler. Les enfants sont à l'école, ça avance bien. La plus grande, elle est à la mission locale, elle va signer une garantie jeune. Moi, j'en ai accompagné dans leur démarche une centaine en 6 ans. La plupart sont restés des amis. Ils m'offrent des fauteuils quand ils ramassaient de la ferraille en camion. Et des fois, ils m'amenaient des beaux meubles. Enfin, pas souvent, une fois. Bon. Je veux dire, c'est des amis. Voilà. Ils s'en sont sortis dès qu'ils ont connu leurs droits. Le plus important, c'est que... Bon, alors, les sans-papiers, je suis moins impliquée. Même si j'ai hébergé une dame 4 mois avec ses 4 enfants l'été dernier, les sans-papiers, c'est encore plus difficile. Je ne suis pas du tout spécialiste, donc j'en parlerai pas. C'est horrible, je fais partie des délinquants solidaires, mais je veux dire que là, vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de Français qui ne supportent la façon dont on traite les migrants, qui prennent des risques, qui acceptent d'être condamnés et qui continueront, et bien sûr qu'on continuera, à aider les migrants jusqu'au bout, puisque ce sont des gens comme vous et moi, et que notre rôle sur Terre, c'est d'être fraternel. Merci pour ton intervention. Donc on est à Bobo Éducation Populaire. Merci pour tout ce que tu fais. Je pense qu'il y aura des réactions, etc. Enfin, s'il y a des gens qui veulent réagir, je vais juste faire un truc, juste rebondir sur ce que tu as dit. Sur ton deuxième exemple, tu as parlé des jeunes de banlieue, mais j'ai envie de te dire des jeunes tout court. Il y a quelque chose qui s'appelle le collectif anti-répression qui s'est créé il y a quelques temps. Et suite au blocus de lycée, Il y a 2 mois, 2-3 mois, je sais plus, j'ai plus trop la notion du temps. J'étais à cette réunion et j'ai entendu des choses qui, déjà, que je n'ai pas entendu dans les médias traditionnels et qui m'ont touché très profondément. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, les jeunes, la police se lâche. Ils arrivent, ils les insultent de tous les noms, ils les tapent. Dans un lycée, camionnette de flic qui est arrivée, elle a foncé dans la foule, grosso modo, pour justement parce qu'ils étaient en train, ils réussissaient à bloquer le lycée et ils ont foncé dans la foule et ça aurait pu être un accident très très grave parce que donc ce collectif anti-répression fait également derrière de l'aide juridique et ils ont eu des témoignages parce que quand les jeunes se font arrêter, ils connaissent pas leurs droits. Je sais qu'ils bossent aussi là-dessus, alors sur des formats peut-être un peu plus courts que 4 pages, parce que c'est à distribuer. Et c'était leur piste de réflexion à l'époque. Après, je sais pas où ils en sont actuellement. Et c'est quelque chose, effectivement, qui est très très important. Parce que après, les témoignages, quand ils se font embarquer, quand ils sont en commissariat, et ce qu'ils subissent en cellule, c'est juste, on se met 2 secondes à leur place, mais on tiendrait pas. Et ça, personne n'en parle ou presque pas. Mais il y a clairement un abus de pouvoir, mais un truc de fou furieux. Et ce qui m'a marqué, c'est que finalement, les jeunes se rendent pas forcément compte. Et ce qu'ils ont peur, c'est de la réaction des parents. C'est assez rigolo. C'est n'appelez pas mes parents quand ils sont arrêtés. Mais ils ne savent même pas, je vais aller en prison, je vais aller dans le commissariat. Ce qui va se passer, c'est la peur des parents déjà. Après tout le reste arrive, mais ils ne se rendent pas compte et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas préparés. Certains sont préparés parce que ils sont militants, ils font des manifs. Certains vont même un peu plus loin et ils sont équipés. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, et je pense que je suis pas le seul, c'est pas avec un foulard sur la tête que on fait certaines actions. Et effectivement, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est ce boulot-là que tu fais et que t'es pas la seule à le faire. C'est clair. C'est waouh. Voilà. Donc je sais pas si quelqu'un a une réaction du coup. J'ai un peu monopolisé la parole, mais. Oui. Ah, pardon. Je disais que hier, il y a un jeune de 17 ans qui s'est fait renverser par une voiture de police rue des Amandiers. Il a 17 ans, il est dans le... Et là, il y en a eu un. Voilà. Et il y en a un autre aujourd'hui qui s'est fait renverser aussi. Par la police, oui, les deux par la police. Les deux ont été renversés par la police. Hier, on a traversé Paris pendant 4 heures et il y avait beaucoup de gens. On était, je ne sais pas moi, peut-être 1000. Il y avait les familles d'Alberto, qui est un jeune Rome qui a été, si je ne me trompe pas, voilà. Il y a eu la famille de Fouad, un monsieur de 31 ans avec... voilà, monsieur tout à fait normal, qui va raccompagner avec des amis à Aulnay une dame qui est un peu agitée, donc peut-être elle a fait du bruit vers 3h du matin quand il l'a raccompagnée chez elle. Donc il dit je vais prendre ma moto, puis il n'y a plus de nouvelles de lui. Ça c'était dans la nuit du 31 mai au 1er juin, plus de nouvelles de lui. Et puis plusieurs heures ou peut-être 2 jours après, sa famille le découvre à l'hôpital de Pontoise. Et moi je vais porter plainte contre le dire pourquoi. La famille le découvre défiguré, sortant de plusieurs heures de coma, inconscient, c'est-à-dire il est amnésique, il est inconscient. Elle n'arrive pas à savoir ce qu'on lui a fait, mais maintenant vous savez où il est, ce monsieur Fouad. Il est à la maison d'arrêt d'Osny, O-S-N-Y. Et je ne comprends pas qu'on n'y soit pas déjà allé à plusieurs pour le sortir, en restant devant la prison jour et nuit. Et de toute façon, on va le faire, il faut le faire. J'ai dit, à la réunion du comité anti-répression, on va décider d'aller tous devant cette prison. Mais moi, déjà moi, et n'importe qui d'entre vous peut le faire. Ce que je vais faire une plainte au procureur de la République du TGI de Pontoise contre le directeur de l'hôpital. Comment un directeur d'hôpital peut-il laisser embarquer en prison quelqu'un à la figure défigurée qui a fait des heures de coma ? Qui est moitié inconscient, qui a perdu la tête. C'est ça que fait un directeur d'hôpital en France. Moi, je vais l'attaquer. J'ai le droit, en tant que citoyenne, comme j'ai attaqué la maire de Beaumont-sur-Oise, qui a fait mettre les frères d'Adama Traoré en prison et qui n'a fait que des fautes graves en tant que maire. Oui, j'ai fait une plainte au TGI, j'ai été convoquée par mon commissariat. Pourquoi on n'est pas plus nombreux à faire sauter ces gens-là? Un directeur d'hôpital ne doit pas faire ça. Quant au commissaire, j'en parle même pas. Le préfet qui est au-dessus, on peut faire des plaintes. Les délinquants solidaires dans la vallée de la Roya, ils ont fait des plaintes contre des préfets. Ils continuent tous les jours. Oui, faisons des plaintes. D'autres réactions, de témoignages. Enfin, en ce moment, il y en a plein des histoires comme ça. C'est impressionnant. Il n'y a pas que ça. Si je te tiens le micro, est-ce que tu peux parler? Mais je te le tiens. Mais je peux te le tenir comme ça, tu le tiens pas. Mais c'est juste pour qu'on t'entende. Agresser tous les jours. Je suis blanc. On est d'accord ? Non ? Par les jeunes. Qu'est-ce? C'est un problème. Les flics, ils sont là. Je me fais agresser de nazis. Là, ce soir, je vais à un concert anti-nazi qui est au Gibus. Je me fais quand même agresser, espèce de nazi. Les jeunes dans le métro. J'habite à Bobigny. Parce qu'ils n'ont aucune culture. Je suis désolé là-dessus. Ils n'ont aucune culture. On ne va pas nier qu'il y a des jeunes qui terrorisent leur immeuble. Ils sont aux mains des dealers beaucoup plus au-dessus qu'on n'arrête jamais. C'est eux qu'on arrête quand on les arrête. Ils ont tous des casiers, ils ont tous fait un peu de tôle. Il y en a qui font ça pour nourrir leur famille, il y en a qui font ça pour devenir des entrepreneurs comme M. Macron, mais ils n'ont pas fait l'ENA, alors quelque chose d'interdit, on est bien d'accord. N'empêche que si le cannabis était légalisé comme il l'est aux États-Unis dans plein d'États et comme il commence à l'être dans pas mal de pays d'Europe, il y aurait peut-être moins de jeunes de banlieue qui iraient en prison, mais les prisons sont bien faites pour ça. Les prisons sont bien faites pour envoyer en tôle les jeunes à qui on veut plus, parce qu'il n'y a plus de boulot à leur fournir. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Alors... Ok, alors on va laisser le poursuivant entre eux et je vais faire continuer à tourner la parole. Non, en fait, c'était juste pour réagir à deux choses qui viennent de se passer là pendant. Je pense que c'est important que chacun puisse s'écouter et de ne pas se couper, même si ce que l'autre dit n'est pas forcément avec ce qui a été dit avant. Voilà, je tiens juste à repréciser cela parce que ça vient d'arriver deux fois de suite où les personnes n'ont pas pu finir de dire ce qu'elles avaient à dire. D'accord. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un a une réaction, un témoignage? Donc, du coup, sur l'appel, il y avait trois exemples. Il y avait l'exemple des précaires, des chômeurs et des salariés qui ne connaissaient pas leurs droits. Il y avait l'exemple des jeunes de banlieue et il y avait l'exemple des Roms. Je sais pas, enfin, voilà, si quelqu'un a une réaction, ben, ok, merci. C'est une question à ceux qui savent, notamment Evelyne, puisque. Evelyne? Ouais, mais je pense que l'une des personnes qui peut répondre. J'ai entendu régulièrement ici sur cette place par des gens qui sont très au courant des violences policières, qui luttent contre les violences policières. J'ai entre deux un mort par mois dans les commissariats. Et comme je suis pas pointu, malgré mon nom de famille, j'aimerais savoir si c'est vrai, tout simplement. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres, mais si vous étiez hier, on était nombreux à cette marche, réunissez, je dirais bien une... petite dizaine hein, de familles qui ont perdu un être cher, que ce soit un frère, un fils, c'est pas rien hein, de perdre quelqu'un, et ben ils ont dit les chiffres. Alors les chiffres étaient impressionnants. Bizarrement, contrairement à ce que j'aurais pu penser moi, mais peut-être qu'ils sont pas exhaustifs, ces dernières années, il y en avait un peu moins. Alors ça variait entre 10 et 16 morts par an, mais en fait, on les connaît pas toutes. Il y a des gens qui ont peur de dénoncer parce que n'ont jamais su se défendre. Si les pauvres savaient se défendre, ça se saurait. Après, moi, je ne vais pas excuser ceux qui dealent, d'accord, c'est pas bien de dealer. Simplement, moi, je regarde Monsieur Fillon. Ah ouais, elle n'a pas dealé, mais c'était bien payé, hein, l'emploi fictif. Je regarde Monsieur Macron, je regarde ses candidats, je regarde ses ministres. Je regarde Monsieur Ferrand, ministre récemment nommé de, vous allez me dire de quoi, là, déjà, je ne sais plus, Ferrand. Ferrand, directeur des mutuelles de Bretagne. Vous savez ce que veut dire mutuelle. Mutuelle, c'était avant la Sécu. C'était créé directeur des mutuelles de Bretagne qui fait acheter à sa copine, ça tombe bien, ils ne sont pas mariés, un local pourri qu'elle loue aux mutuelles de Bretagne et puis elle leur tape plus ou moins. Et après, elle leur vend, elle fait des millions et des millions de bénéfices. Bah, il a fait quand même 30% des voix législatives. Les Français aiment bien ils aiment bien les mafieux, non? Alors, les mafieux d'en haut, il paraît qu'on les adore, hein. Il paraît que c'est un tabac là, qu'il a fait Macron. Les mafieux d'en bas, les mafieux qui, ouais, ben, mais bon, alors, vendre du cannabis, c'est dramatique, mais on vend de l'alcool et du tabac partout, pourquoi le cannabis n'est pas en vente libre? Ça ferait un peu moins remplir les prisons. Vous savez comment, par qui sont remplies les prisons? Moi, j'ai été voir des potes, j'ai même été voir mon mari. Elle n'avait pas fait grand-chose, hein, mais bon. J'étais la seule blanche. Hein. Dans le parloir, j'étais la seule blanche. D'accord? Vous savez par qui sont remplies les prisons? Par des gens qui sont prévenus, pour beaucoup, des jeunes. Ils n'ont même pas été jugés encore. On ne sait même pas sur quel. Ils sont juste prévenus. Ah, quand on sort de prison, vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on va trouver du boulot facilement? Avec les fréquentations qu'on a eues en prison, vous croyez que ça vous a rendu plus apte à lutter légalement dans la société? Ira, la seule chose qu'elle a fait de bien, je crois, c'est qu'au moins elle a essayé de les vider un tout petit peu. Ben, ils sont en train de revenir dessus. Hein. Alors, bien sûr que c'est pas bien de dealer. Moi, j'en connais qui deal parce qu'ils veulent devenir riches. Ben, ils sont pas les seuls. Hein. Au gouvernement, on nous dit faut devenir, on aura de la place pour tous ceux qui veulent devenir riches. Et puis, il y en a qui deal pour nourrir leur famille. Et ça, vous le savez pas, mais moi, je le sais. Et donc, c'est facile de dire, mais c'est vrai, il y en a qui sont infects, qui terrorisent leur immeuble. Je sais, parce que moi, je fais le tour. Et des fois, ils ont l'air gentils comme ça avec moi, parce que je me présente comme une maman. Puis après, les copines que je vais voir, elles me disent, mais ils nous pourrissent la vie, ils agressent nos filles. Ben ça, c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien, qu'il faut pas le laisser faire. Mais est-ce que ça justifie la prison? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour donner de l'espoir dans leur vie, de leur apprendre à être corrects, parce que du coup, ils seront pas sans arrêt dans cette position où on les enferme de voyous aussi. Il faut leur donner leur chance, on est loin de leur donner. Et je ne veux pas les excuser par avance, mais je compare juste. Je compare à M. Cahuzac, combien ça coûte à M. Fillon. M. Fillon n'ira jamais en prison, il a fait l'ENA, donc il y aura toujours un pote au ministère de la Justice. Vous les voyez aller en prison, les énarques qui se sont bourrés les poches avec notre fric. Est-ce que quelqu'un a des questions ou pas par rapport au témoignage? Ok. Oui, je voudrais dire que on peut faire le cateur. Vous voulez parler à ma place? On peut faire un catalogue de tous les crimes et les défauts du système, mais la grosse question qui se pose, c'est comment avancer ces questions en dehors des petits cercles. C'est-à-dire que les partis qui se disent de gauche n'arrivent pas à trouver des points de contact pour évoquer ces questions-là qui sont complètement fondamentales. Donc ce catalogue est terrible, mais si vous voulez, bon, avec un certain nombre de nuits de boutistes, on a essayé de créer une commission, appel pour une gauche debout. Si je vous fais le répertoire de l'accueil qu'on a reçu, c'est pas complètement. Mais ça signifie pas que personnellement, j'ai pas du tout envie de laisser tomber. Et un des obstacles à la résolution de du tableau que vient de faire Evelyne, c'est au minimum une concertation à gauche. Et cette concertation à gauche, pour l'instant, elle n'existe pas, en dehors de ce lieu qui est la place de la République. Ouais. Bon, la place de la République est à gauche, apparemment, aujourd'hui. Je sais pas trop dans quel sens le vent y va, mais je sais plus trop ce que ça veut dire, gauche aussi, mais bon, bref, on va pas rentrer dans ces débats. J'avais plutôt une question, mais Evelyne est en train de distribuer ses tracts. C'est justement par rapport au travail que tu fais, justement ton rapport par rapport aux forces de l'ordre. Parce que je suppose que si par exemple tu distribues ce type de papier dans des manifs et la police te voit, je suis pas sûr qu'il soit très sympathique à ton égard. Et il y a la semaine dernière, on nous disait qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait déchirer ses tracts dans son sac. Et savoir si voilà la position de la police, parce que je sais que passion des copains de la commission du collectif anti-rep, qui sont vraiment très inquiets d'être connus par les forces de l'ordre par rapport à leur travail. Moi, vous savez, je me demande si on a le choix. Regardez ceux qui, Ballet de la Roya, hébergent, défendent des migrants à qui on refuse le droit d'asile, le droit d'être des hommes vivants, à qui on fuit des pays où la France fait la guerre. Alors on les met en prison, on les condamne à des amendes colossales. Alors ils vont s'arrêter. Moi j'ai grandi, c'est cette chance que j'ai eue extraordinaire de grandir dans une famille auvergnate de résistants cachés des juifs. Donc j'ai grandi avec des juifs, moi. Bon, bien sûr qu'on risquait notre peau. Alors c'est marrant, il y avait des gendarmes qui nous prévenaient quand on venait chercher les juifs. Donc on les cachait dans les champs, peut-être parce que mon oncle avait été gendarme et qu'il avait démissionné. Vous savez ce que je fais, moi, par rapport aux flics, aux gendarmes? Je leur dis, si je suis vivante, là, moi, puisque j'ai grandi dans une famille qui cachait des juifs, vous savez pourquoi je suis vivante? Les gendarmes qui nous prévenaient quand des gendarmes venaient les chercher, c'est-à-dire qu'ils désobéissaient, ce gendarme. Quand on vous dit de fracturer la gueule d'un homme devant son lycée, quand on vous dit de nasser les gens et de les charger, vous savez que vous avez le droit de désobéir? Je leur montre leur code de déontologie, 34, 5 ou 7. Il y a un grand article qui dit que s'ils sont pas d'accord avec l'ordre qu'on leur donne, ils doivent protester et demander à ne pas l'appliquer. Alors, en général, ça servira à rien. Ils peuvent saisir qui ils veulent dessus. Ils ne peuvent pas faire cet ordre-là parce qu'il n'est pas juste, il n'est pas éthique. L'éthique, ça existe. Eh bien, le fait qu'ils aient protesté, pour eux, déjà, c'est bien. Après, si on leur dit de le faire quand même et qu'ils le font quand même, tenez-vous bien, dans le code de déontologie et de la gendarmerie, édicté le 1er janvier 2014 par M. Valls, qui a enlevé les trois quarts de ce qu'il y avait de bien dedans, il reste que s'ils font quand même cet acte qu'ils ont jugé contraire aux libertés publiques, eh bien, ils sont co-responsables. Donc moi, je ne suis pas obligée d'être co-responsable de saloperie, vous pouvez désobéir. C'est un droit qu'a tout fonctionnaire de désobéir. Donc ça existe, ça. Vous savez que c'est les Juifs qui ont été livrés aux Allemands, des milliers, c'est qu'ils ont principalement été livrés. C'est pas principalement la Gestapo qui les a arrêtés. C'est des gendarmes et des policiers français qui ont fait le boulot. Après, ils vous diront comme Eichmann, j'ai appliqué les ordres. Oui, mais il y a ordre et ordre. Ordre qu'il vaut mieux pas appliquer. Alors tu me disais, qu'est-ce que je risque? Je risque ma peau tous les jours et je m'en tape. Et je m'en tape parce que si je commence à avoir peur, la peur, ça paralyse les gens. Vous voyez pas qu'ils n'arrêtent pas de monter dans la barbarie, de monter dans l'indécent. Vous avez vu comment il a joué Fillon, vous avez vu le nombre de jeunes qui poursuivent quand ils sont sur un quad, qui poursuivent quand ils sont sur une mob, et qui les flics, ils le poussent contre le trottoir. Ah oui, il est mort tout seul. Hein. Curti, il y a un mois et demi, Anthony, il était sur un pad. La BAC, que j'appelle la brigade absolument criminelle, l'a pris en chasse. Ah oui, c'est drôle, hein? Ah bah ouais, elle s'amuse bien, hein, la BAC. Donc elle l'a pris en chasse. Ah, c'est con, hein? Il est mort sur le coup. Ce qui est bête, c'est que les passagers du bus, ils disent que c'était la BAC qui le poursuivait. Il n'a pas fait exprès de se taper le bus tout seul. Il est mort, Curtis. Il y a eu une sacrée marche qui a fait tout le tour d'Anthony et de Massy. On était un bon millier avec lui il y a un mois. Vous savez qui c'est qui a encadré cette marche? C'est pas la police. C'est des habitants du quartier qui ont encadré une marche qui a fait je sais pas combien de kilomètres entre Anthony et Massy, tout un dimanche, qui a évité les flics. C'était des quartiers en question qui s'étaient organisés en milice citoyenne. Donc on peut. Arrêtons de penser qu'on ne peut pas. Arrêtons de penser qu'on risque quelque chose. Arrêtons d'avoir peur. La peur est paralysante et plus on a peur, plus ils nous chient dessus. Bien sûr que les flics peuvent me frapper. Bien sûr que j'ai échappé de justesse au moins trois fois à être défiguré l'année dernière. Ouais, j'ai eu cette chance, j'aurais pu ne pas l'avoir. J'aurais pu perdre un œil. Il y en a bien 20 ou 30 qui ont perdu un œil par flashball dans les manifs. Et alors, simplement, faut changer de registre. C'est plus les manifs maintenant, on a compris, non? 1200 procès l'année dernière, 1200 procès de manifestants, de syndicalistes, des syndicalistes comme les Goudir, condamnés à de la prison pour avoir voulu sauver leur usine. Ben, ils vous appellent demain, c'était normalement devant l'Assemblée nationale à 18h, ça sera place de la Concorde qu'ils ont eu l'autorisation, mais n'en restons pas aux manifestations. Manifester sont des accords, mais ils s'en tapent. La seule chose qui les dérange, c'est quand on bloque des raffineries. Quand on bloque, vous avez vu la grève des transporteurs de produits dangereux? Ah, ça a été vite fait. Il n'y avait plus une goutte d'essence dans les stations. Ils ont obtenu à peu près quelque chose quand même. Hein. Il n'y a que ça qui les gêne. Bloquer la circulation des flux matériels et immatériels du capital, là où ils font leur fric. Les manifs, mais Sarkozy déjà disait les manifs, je m'en branle. Manifester, quémander, implorer, demander. Mais voyons, mais ils sont... Maintenant, la manif, c'est devenu leur outil. On finit en garde à vue, on finit avec un casier, on finit défiguré. Arrêtons de leur dire où on va, à quelle heure et où. Organisons-nous avec un peu de confidentialité pour bloquer. C'est la seule chose qui va les déranger. Eh bien, les voix, je me débrouille. Voilà. Et mon âge me protège, ça c'est sûr. C'est sûr que si j'étais un jeune, je serais depuis longtemps défiguré. Hein. Ok, tu voulais réagir? D'accord, ok. J'avais une intervention. Moi, je voulais élargir un petit peu. Merci de m'avoir donné la parole. Pardon. Je voudrais vous proposer, au fait, une idée toute simple. Est-ce qu'en écoutant Yveline, les autres militants, est-ce que ça vaut pas le coup de parler d'un nouveau système d'encadrement des classes populaires? Le coup de parler sur ce nouveau système d'encadrement des classes populaires, des ouvriers, des migrants, des demandeurs d'asile, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, c'est magnifique. Il suffit d'ouvrir un peu les travaux de pendant la colonisation, par exemple. Il y a un très beau livre qui s'appelle Le déracinement de Pierre Bourdieu, par exemple. Vous avez ce qui se passe dans les banlieues, au fait, c'est une sorte de reproduction à l'identique de ces campements dans les colonies, au fait. Ça c'est la première idée, au fait. On retrouve la même chose que les gens ignorent leurs droits dans ces campements. On retrouve la même chose, par exemple, pour les demandeurs d'asile sur les foyers des CADA. Les gens, on les contente là parce qu'on a leur adresse, on a leur horaire de sortie, leur horaire d'entrée, ainsi de suite. Et puis, y a autre chose. Le système de Sonacotra qui s'appelle Adoma aujourd'hui, c'est là que mon père est passé dans ses foyers, au fait. Si vous regardez la biographie des encadrants des foyers, c'est des anciens militaires. C'est des anciens militaires, en fait. Il y a une sorte de reproduction à l'identique. Là où il y a des classes dangereuses, la masse, là où il y a des manifestations, eh ben, il y a beaucoup de policiers, au fait. Ça, c'est la première idée. Je pense qu'il faut sortir de seulement des manifestants ou de la manifestation collective pour comprendre la jeunesse socio-historique de ce système. La deuxième idée que je voudrais vous lancer par rapport à la prison. Est-ce que ça vaut pas le coup de rentrer en prison? Ce sont des pauvres. 90% des gens, c'est des pauvres. Au fait, la prison, les gens qui rentrent en prison, parce qu'ils utilisaient une sorte de la ruse des faibles, j'ai pas d'autres capitaux, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de travail, j'ai pas de. La majorité n'ont même pas de cas, par exemple. J'ai rien, il faut que je me débrouille. Bourdieu l'appelle la ruse du pauvre. Pour s'en sortir, au fait, il se retrouve un peu dans le système policier. Voilà, en fait, c'est deux idées que je voudrais vous lancer si vous voulez discuter. Je sens que tu as une réaction, et puis s'il y a d'autres gens, voilà. Ah bah, ok, vas-y. Ça va aller un peu avec, ça va être complémentaire, et ça rejoint aussi ce que disait Evelyne sur les policiers, et comment on gère ce problème. On parle de personnes qui ignorent leurs droits un peu partout, et c'est comme ça qu'on nous gère, qu'on nous maintient dans des situations qui ne devraient pas être possibles. Et je pense que, vu ce que disait Evelyne, ça a tout persuadé, c'est que les policiers sont parmi les premiers à ignorer leurs droits. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, parfois, ils s'octroient des droits qu'ils n'ont pas, et à la fois, parfois, ils pensent qu'il y a des droits qu'ils n'ont pas, alors qu'en fait, ils les ont. Typiquement, sur la désobéissance dont tu parlais. Et ça, c'est vraiment flagrant. Et encore plus avec des trucs comme l'état d'urgence, depuis qu'il a été proclamé, ils se sont dit, ça veut dire que maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi, et on sera jamais puni pour ça. Et donc, c'est leur nouvelle conception de leurs droits. Et plutôt que d'aller se renseigner précisément sur leurs droits, parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de formation à ça, et ça manque probablement, mais c'est hyper compliqué à organiser, parce que je sais pas, moi je me sens pas d'aller organiser ça. Hein. mais c'est vrai que on a ce problème, on est confronté à des gens qui ont un pouvoir très clair, parce qu'ils ont un pouvoir de violence et d'autorité, et ils ont en général aussi un sentiment d'impunité qui est plutôt confirmé par les décisions de justice. Et donc, c'est comme ça qu'eux se font leur idée de ce qu'est leur droit. Et finalement, c'est le droit qu'ils ont en pratique. Et il faudrait réussir d'une certaine façon à recadrer ce droit, à le faire respecter. Parce qu'il n'y a pas que le problème, c'est que le droit, quand il faut faire jouer la justice, effectivement, les plus faibles, il ne sert à rien. Parce que faire jouer la justice, ça prend longtemps, et le problème a déjà eu lieu en général. On demande réparation. Il faut que les gens aient une bonne notion du droit. Et je veux dire, c'est un des premiers trucs du code pénal qui, pour moi, est la plus grande blague. C'est nul. Je suis désolé. On l'ignore tous. Il n'y a que sur les sujets où on a fait exprès de se renseigner vraiment précisément qu'on commence un peu à connaître la loi et à connaître nos droits. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment super ce que tu fais, Evelyne. Donc, j'espère que vous avez tous regardé un peu, reçu le papier et que vous allez. Mais je pense qu'il faut essayer de façon assez massive de faire en sorte que que tout le monde connaisse ses droits, au moins les droits qui les concernent et qu'il est amené à mettre en pratique et à exercer. Et donc les policiers typiquement sont à mon avis un bon exemple de ça. En fait, quand je montre leur code de déontologie à des gendarmes, c'est marrant, ils me disent « Ah non, non, mais nous, c'est pas le même. » Je leur dis « Ah bon, mais maintenant, vous en avez un qui est le même pour les gendarmes et les policiers. » On leur a pas appris, quand je monte aux policiers, qu'on me dise qu'ils le connaissent. Enfin, ils le disent pas comme ça, mais ils disent « Oh, ouais. » Enfin, je pense que c'est une responsabilité de l'État de leur apprendre le code de déontologie quand même. Quand on est dans un métier, on vous apprend le métier, quoi, ce que vous avez l'air. Et je laisse la parole au monsieur parce que le reste, j'ai oublié. J'ai oublié. Pardon, au fait, j'ai un problème de méthode avec vous. Je suis complètement d'accord avec votre démarche, votre... disiez un instant, il n'y a aucun souci. Moi, maintenant, je me disais, c'est tellement facile, au fait. C'est facile d'être d'accord avec quelqu'un. Alors, ce qui m'intéresse, au fait... Je ne souhaite pas me placer du côté de la violence légitime, du côté du gendarme, du policier. Mais c'est très bien. Moi, je souhaite d'être à côté du peuple et du pauvre, d'à côté du peuple et du pauvre. Et je me suis dit, au fait, depuis 30-40 ans, je peux vous donner des exemples précis, hein, 30-40 ans, en place et la police et surtout les préfectures se sentent, ils ont utilisé des béquilles, ce qu'on appelle dans la science politique, c'est une sorte de courroie de transmission, à savoir les associations. Autrement dit, les associations qui sont un lieu de défense des droits humains, c'est des lieux légitimes, or qu'ils devraient être des lieux illégitimes, des lieux d'accompagnement en fait. Alors je vous donne un exemple précis. Il s'avère que j'ai une collègue de mon laboratoire qui accompagne un petit peu pour comprendre, une observation accompagnatrice, pour comprendre le parcours. Alors, il suffit, n'importe quelle association qui s'occupe des demandeurs d'asile, les grandes associations, ce qu'on appelle les associations fondatrices, mères des demandeurs d'asile, eh ben, ils ne disent rien au moment de l'entretien avec le préfet ou avec la commission des préfets. En fait, ils sont avec le pouvoir. Ce qui manque... Ce qui manque en fait pour ces masses de pauvres, c'est justement c'est des lieux d'accompagnement, des lieux de formation en fait. Alors, vous demandez à n'importe quel député ou maire, je veux ouvrir une salle, il va vous donner 3000 euros pour faire du baby-foot. Il vous donne pas un ordinateur pour faire des PowerPoint, pour embaucher quelqu'un qui va expliquer ce que le devoir, qu'est-ce que la citoyenneté, qu'est-ce que la prison, quels sont les risques, qu'est-ce qu'être militant aujourd'hui, ainsi de suite. C'est ça, au fait. Pourquoi, pour la question qu'il faut se poser, pourquoi des lieux qui devraient être illégitimes d'alternatives sont devenus bouffés, sont du pouvoir. Du coup, il faut réinventer la nouvelle citoyenneté, il faut réinventer autre chose. Du coup, on est dans un autre monde, au fait. Pardon, j'ai tardé. C'est très important ce que vous dites, et je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas dans des associations qui co-gèrent le système, je suis dans des associations qui luttent et qui apprennent aux gens à lutter. J'aime bien la lutte. Ça nourrit, ça donne la pêche. Quand on voit les gens apprendre leurs droits, se redresser, apprendre à lutter, ils n'ont plus besoin de nous et ils ont repris confiance en eux. Bonheur. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense de la justice. Ce que je pense, non, ce que je constate. Un juge qui condamne un policier, vous savez ce qui lui arrive? Il est foutu par ce policier. Ne viendra assurer ses audiences. C'est-à-dire, il est mis au placard. C'est comme s'il perdait son... Un juge qui condamne un policier, on va lui faire payer très cher. Ensuite, la justice. Mais enfin, voyons, on sait par qui elle est. Vous avez vu dans les tribunaux, là, avec leurs beaux habits, là, leurs trucs blancs, là. Hein, vous avez vu d'où ils sortent? Les prud'hommes, il y a encore des gens qui représentent les travailleurs dans les prud'hommes à moitié. Mais dans la justice, vous avez vu des gens qui représentent les pauvres, les travailleurs. Je vais vous citer. C'est l'historien qui écrit comme un thriller. Il s'appelle Éric Vuillard. C'est lui qui a écrit 14 juillet. Alors, c'est, il dépouille les archives, tout ça, je vais le prendre après. Il fait un travail fou d'historien, piaplement policier de dingue, où tout est vérifié, tous les noms sont vrais, et puis il vous mélange des petits trucs de vie quotidienne avec les trucs les plus graves. Le 14 juillet, on a l'impression de le vivre avec lui. Je viens d'acheter ce livre, je l'ai lu toute la nuit parce que c'est à tomber à genoux. Au du jour, il vous décrit comment 40 personnes, comme lui là, tous chefs de grandes entreprises allemandes, françaises, ont fait une réunion secrète avec Göring, 38, pour faire accéder Hitler au pouvoir, parce que quand même, les socialistes, c'était des vrais à l'époque, ils commençaient à faire chier, donc on commençait un peu à les arrêter, tout ça. Et puis quand même, pour que un peu le discours de Macron, je le compare pas quand même, que les entreprises, faut les laisser bosser tranquille. Le droit du travail, c'est très gênant, on va le supprimer. Comme ça, les entreprises, il oublie juste de dire que c'est plus du tout des entreprises françaises, c'est des multinationales. Et ben au moins, elles pourront bosser quand même. Hein. Oui, elles n'embaucheront plus personne des esclaves en Chine, mais c'est pas grave. Bon, et ben là, vous voyez, ces 40 chefs d'entreprise. Il y a les Creux, il y a les Opel, il y a les... Bon, tous ceux qui après ont fabriqué des armes pour Hitler. Ils se réunissent avec les représentants de l'État français, anglais, tout ça. Et ils sont bien sapés, ils ont leur costume cravate, tout ça, ils n'ont jamais connu la misère. Et ils passent des accords et puis Hitler arrive au pouvoir et dans le détail comment Hitler a envahi l'Autriche. Il y a l'histoire officielle, puis il y a la vraie histoire. Il raconte comment des gens très connus, là j'ai pas les noms en tête, mais qui étaient à la tête de l'État français et de l'État anglais, ont bien fermé les yeux dans des repas à des prix ruineux qui duraient toute la nuit, et ils recevaient alors c'était pas des SMS, mais des coups de fil qui leur disaient que Hitler allait envahir l'Autriche, puis continuer leur repas tranquille, parce que quand même, faut pas vexer le représentant de paix avec eux et qui allait être bientôt promu ministre à la demande de Hitler et qui était ambassadeur. Vous apprenez, vous lisez tout ça, vous tombez sur le cul. Ils étaient dans un autre monde, le monde dans lequel est Macron. Je dis pas qu'il va faire comme Hitler, mais je dis avec lui au moins les entreprises seront tranquilles, il n'y en aura plus de code du travail, il n'y aura plus non plus de liberté, parce qu'il veut nous mettre un bracelet électronique à tous, en gros, avec l'état d'urgence en permanence. Je vous lis juste cette phrase. Éric Vuillard, l'ordre du jour. L'Allemagne a envahi l'Autriche, parce que oui, en plus, on raconte que, et c'est vrai, on a vu des foules dans les cinémas de l'époque, dans les films d'époque, qui accueillaient Hitler en liesse en Autriche. Sauf que tous les autres, ceux qui n'étaient pas d'accord, ils avaient déjà été. Et qu'on ne sait pas exactement s'ils ont... Ils n'ont pas synchronisé les films en question. Et c'est magnifique, ce livre, c'est bouleversant. Et en fait, l'Anschluss manque de peau pour Hitler. Tout son matériel de guerre qui était un peu pour tout ça, parce qu'il fallait se dépêcher. Quand ils ont voulu envahir l'Autriche, il est tout tombé en panne. Les camions militaires étaient sur le bord de la route. Hitler était fou de rage. Ça ne marchait pas du tout. Ils ont mis 2 jours parce que tout leur matériel de guerre, il n'était pas au point. C'est ridicule comme ils sablent en même temps. L'Angleterre, la France étaient au courant. Ils ont fermé les yeux. D'accord? Et donc, il y a cette phrase. Ce qui étonne dans cette guerre, c'est la réussite inouïe du culot dont on doit retenir une chose. Le monde cède toujours au bluff. Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, le vieil ordre, s'il ne cède jamais à l'exigence de justice, s'il ne plie jamais devant le peuple, il plie devant le bluff. Merci pour cette lecture. Je ne sais pas trop comment rebondir après ça. On me fait signe dans mon oreillette que je n'ai toujours pas qu'on va finir. S'il y a des dernières paroles, attends, on va faire honneur à l'expérience. Et après, donc, Camille, et puis après, on va clôturer cette belle journée, ma foi. Moi, j'ai pas que l'expérience, j'essaye de faire marcher ce monde. Et comme on en a tous un, ou semble-t-il, pas besoin d'expérience. Donc moi, le tableau que fait Evelyne, excusez-moi, mais c'est un tableau du désespoir. Alors, on est la preuve vivante que quoi, on est sur une place où la parole est possible. Alors moi, quand j'entends, si le, quand je parle de gauche, c'est vrai que j'ai tort. On n'a pas à être de gauche ou de droite a priori, mais on a à faire marcher nos et donc Evelyne, elle évacue la complexité. Moi, alors pour ce qui est de mon expérience, Evelyne, tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Ben, tu essayes de m'écouter là. Ouais, d'accord, merci. Ça, c'est du dialogue. Alors moi, je vais te raconter une histoire de police, tu vois, toute simple. Je me suis fait péter la gueule par 10 personnes du RPR en 75. Je suis resté sur le carreau. J'ai failli perdre. J'étais à l'hôpital pendant une semaine. Et le Parti communiste auquel j'appartenais en 75, je n'y suis plus, je vous rassure. Enfin, il doit y avoir des cocos ici parmi nous. Donc, c'est pas aussi simple. Disent, est-ce qu'on porte plainte? Tu vois, elle ne m'écoute pas, elle a raison, elle avait raison pendant une demi-heure toute seule, donc je peux parler, je pars dans le désert. Alors, non, excusez-moi, je vous confonds avec le désert. Le PC me dit, est-ce que tu veux qu'on porte... Ben, j'ai dit, écoute, oui, pourquoi pas, parce qu'on avait remarqué que dans les matricules de voitures, immatriculation, des 40 bagnoles qui étaient là le jour de l'attentat, il y avait 25 policiers. Donc, on me dit, il y a le CGT, un avocat. J'étais à l'hôtel Dieu, sur mon petit lit de malade. Je vois arriver deux policiers. Bonjour camarade. J'ai dit, écoutez, moi je parle pas beaucoup avec la police, puisque vous étiez 25 pour me casser la gueule il y a une semaine. Alors, il me dit, rassure-toi, il y a aussi des policiers honnêtes. Et donc, etc. Moi, je vous raconte pas la suite. Mais il y a eu, quelque chose qui a duré plusieurs mois concernant mon décollement de rétine. Donc, si vous voulez, le tableau d'Evelyne, moi, il ne me fait pas bander mes neurones. Je trouve que la complexité, c'est autre chose. Voilà. Alors, quand j'entends dire aussi que la gauche, c'est un mot qu'il ne faut pas prendre, je pense que c'est un auteur isolé qui dit ça, parce que c'est pas du pop dans son entier, et que la question qui se pose à Nuit Debout, c'est la relation, pas seulement, oui, à Nuit Debout, et pas seulement à Nuit Debout, c'est la relation de Nuit Debout aux politiques tels qu'ils existent, et pas tels qu'on voudrait qu'ils existent. Là, j'ai fini pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? C'était sur le droit, l'intervention de Evelyne, bien qu'on n'ait pas le droit de dire les prénoms dans cet atelier-ci. Donc l'état de droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a confiance dans l'état de droit? Il n'y a pas grand monde. Est-ce que... Je donne un avis personnel, parce que j'y crois pas du tout, moi, au droit. Enfin, ça me semble une invention de ceux qui savent écrire. De ceux qui savaient écrire quand ils n'étaient pas nombreux à savoir écrire. On a écrit, à l'époque, c'était comme aujourd'hui en Amazonie, ça arrive encore, non pas aujourd'hui, disons, il y a 30 ans en Amazonie, quand un anthropologue écrivait sur son carnet, le chef, ça n'existait pas exactement, le chef, mais enfin, le cacique du village se mettait à griffonner pour deux. Ça arrivait à Lévi-Strauss, je crois. Il faisait semblant d'écrire parce qu'on se disait il doit avoir un... C'est un pouvoir, quoi. Donc il y a une époque pas si lointaine où si on écrivait sur un papyrus, ce sera la loi, ce sera ton droit, t'auras par exemple le droit de travailler. Voilà, donc moi je crois pas... En tant que truc écrit avec ses avocats et tout le... Bah la justice, c'est un oui, dans l'absolu. Oui. Mais en s'appuyant sur un état de droit avec des avocats, des machins, etc., ça a peut-être pu marcher à une époque, mais moi j'ai eu affaire aux avocats, c'était atroce. Alors, ça vaut le coup de faire circuler la parole vu que j'ai fini ce que je... C'est pas Lévi-Strauss qu'il faut lire, c'est quelqu'un qui a écrit un magnifique livre. La société... contre l'État. Il s'appelle Pierre Clastre. Il était anthropologue chez des Indiens d'Amérique du Sud. Et il n'y a pas que chez les Indiens d'Amérique du Sud qui est décédé le pauvre qui venait du Rif marocain. Dans le Rif marocain, y avait une gestion des affaires publiques, de la violence, des vols, de tout ce qu'on veut, par des, peut-être des assemblées de villages. Et on trouve ce cas-là dans je ne sais pas combien de civilisations qu'on appelle des civilisations primitives et qui sont des vraies civilisations et qui ne s'appuient pas sur des États, qui s'appuient sur des communes grandes, qui se dotent justement parce qu'elles savent que le pouvoir corrompt, très important ça, ça corrompt n'importe qui le pouvoir. Donc dans ces civilisations africaines, amérindiennes, tibétaines, tout ce que vous voulez, peut-être des civilisations qui ont existé en Europe, j'en sais rien, il y avait une gestion sans chef. Le chef était même accablé de devoirs, il devait nourrir plusieurs femmes, mais il fallait qu'il bosse beaucoup. C'est autoritaire ni divine, c'était, il rappelait les principes moraux, mais c'était pas lui qui gérait la vie collective, c'était une assemblée de sages. Enfin bon, je dis pas que c'était merveilleux, je dis qu'on peut vivre sans État. Alors c'est très difficile, quoi servent les États aujourd'hui? On a bien compris que les États, c'est la courroie de transmission du capital. Ça l'est depuis longtemps déjà. Alors, par contre, ils ont la force. Alors, dans les pays où il n'y a plus d'État, et Dieu sait qu'il y a beaucoup en main des mafias internationales, c'est pas mieux, d'accord, il y a des meurtres en répétition, mais l'État est en train de faire un mauvais virage, il est en train de prendre un mauvais virage. Quand on décrète l'état d'urgence permanent, quand la police qui doit appliquer la loi doit violer un jeune par mois, non, parce qu'ils habitent les cités ou qu'ils roulent dans des quartiers dits défavorisés, quand on assigne à résidence des gens qui défendent la loi, avant une manif parce qu'on les accuse d'être anarchistes, faut réfléchir. À Notre-Dame-des-Landes, bien sûr qu'un jour ou l'autre, peut-être, ils seront expulsés, ce que je souhaite pas. À Bure, ils sont de plus en plus nombreux, à Bure. Dans plein d'autres endroits, chez les Basques, dans certains coins de Bretagne et ailleurs, dans les centres, sur les coopératives intégrales de Madrid, de Barcelone, de Athènes, de pas mal de coins en Grèce, les gens commencent à essayer de se prendre la distance, se protéger, se cacher, fuir d'un certain côté. Le marronnage, c'est très beau, hein, c'est pas pour rien qu'ils ont fui l'esclavage et ils ont marronné en créant des solidarités extraordinaires, en recréant des civilisations qu'on leur avait arrachées dans leur histoire. Eh ben oui, si on n'arrive pas à lutter de front contre un capital qui est maintenant très fixe à sa disposition, qui a des États qui se couchent à genoux, vous avez vu comment Hollande s'est couché à genoux devant Merkel, vous avez vu que Merkel veut casser tous nos services publics pour ce qu'il en reste, que ce soit la SNCF, la RATP, les hôpitaux, tout ça, c'est la Merkel qui décide sur nous, ben on l'a pas élue, donc on est sous occupation allemande, non? Elle veut qu'on soit ça, monsieur Hollande s'est couché à quatre pattes devant elle, hein? Alors, c'est ça qu'on veut comme État? C'est ça qu'on veut comme Europe? Eh ben, soyons intelligents, créons nos lieux dès maintenant, des ZAD, oui, des lieux autogérés, oui, on n'a pas besoin de Mélenchon, on n'a pas besoin d'un chef, on n'a pas besoin d'un parti, on n'a pas besoin de programme. Toute ma vie, j'ai vu élaborer des programmes, ah ouais, on va faire des trucs géniaux quand on sera au pouvoir. Tsipras aussi, il devait quitter l'Europe. Ah ben c'est con, dès qu'ils sont au pouvoir, vous savez, on ne peut pas tout faire, hein. Hein, vous les avez vus dès qu'ils sont au pouvoir? Non au pouvoir, oui à la puissance collective. Donc bah, merci à toutes et tous pour votre participation. Du coup, on a fini du pop pour aujourd'hui et on est là tous les week-ends. On sera là samedi prochain pour des interventions de 15h à 18h. Et puis dimanche pour l'atelier qu'on a fait là avant aussi de 15h à 17h. Quelle société veut-on ? On va continuer sur la place des enfants et de l'éducation dans la société que l'on veut et de quelle façon y arriver. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis là, du coup, vous allez enchaîner ce blé de lutte qui commence maintenant. Tu veux changer la clé ou... Non, je laisse... Ok, bah... C'est parti. Alors, donc voilà, merci beaucoup. Edupop, c'est fini, donc...